n'avait pas été écrivain de science-fiction, il aurait été prêtre ou karatéka ou joueur de banjo. Notre invité du jour, bien qu'ayant commencé sa carrière sur le tard, a signé plus de 60 titres en moins de 25 ans. Au total, il a vendu pas loin de 800 000 exemplaires de ses romans. C'est de loin l'auteur de SF le plus prolifique de France et certainement l'artisan d'une renaissance d'un genre qui, avant lui, était moribond dans notre pays. Du space opéra à l'anticipation, de la fantasy, en passant par l'écriture de nouvelles évangiles, la mystique de sa vocation initiale n'est jamais bien loin. Récompensé deux fois par le Grand Prix de l'Imaginaire, c'est un monument qui est aujourd'hui avec nous. Il a même une rue à son nom dans le Morbihan, Pierre Bordage. Pierre Bordage est donc notre invité en direct et en public du salon Livre Paris pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Pierre Bordage. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté notre invitation pour interviewer le monument que vous êtes, hein, une rue à votre nom, ça dit quelque chose. Vous pouvez nous dire un nom peut-être de cette rue dans le Morbihan? Oui, on la trouve dans un centre commercial. Hein. Faut trop s'affoler, c'est parce que... Le directeur du centre commercial adorait mes livres et il est décédé. Et sa femme a décidé de lui rendre hommage en donnant une rue à mon nom. Voilà. Mais voilà, donc pour interviewer quelqu'un qui a une rue à son nom, eh bien nous ne serons pas trop de deux. J'ai appelé à la rescousse le camarade Jérôme Vincent. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Patron des éditions ActuSF et éditeur de plusieurs titres de Pierre Bordage, ce qui nous garantit évidemment une interview totalement objective. Bien sûr. Et sans concession. Complètement impartial. Vous pouvez nous suivre en direct sur Twitter, ici en direct du Salon Livre Paris et sur les ondes de France Culture. Mais avant, eh bien, de plonger dans l'œuvre foisonnante du maître, on laisse encore quelques minutes de côté le monde de la fiction pour ne regarder que la science. C'est notre monument à nous, celui de l'actualité des sciences et de la recherche. Zoé Sfez pour le Journal des Sciences. Bonjour Zoé. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le Journal des Sciences. Pour commencer ce journal, une étude très remarquée qui a été publiée lundi dans le journal, dans la revue The Lancet, qui affirme qu'un décès sur 6 aux États-Unis serait attribué au plomb. Oui, alors autant dire que cette étude épidémiologique est très solide méthodologiquement, crée la surprise, voire on peut le dire carrément la stupéfaction, parce que cette estimation, donc un décès sur 6, est énorme, bien supérieure à toutes les précédentes estimations sur la létalité du plomb. Aux États-Unis, les maladies cardiovasculaires sont en diminution, mais elles demeurent la première cause de mortalité, mais la part attribuable aux expositions au plomb dans ces décès aux États-Unis n'avait jamais été étudiée sérieusement. L'équipe canadienne qui signe cet article l'a fait. Entre 1988 et 1994, les chercheurs ont rassemblé un effectif de 14 000 personnes de 20 ans et plus au sein d'un échantillon qui est représentatif de la population américaine. Ils les ont suivis jusqu'à l'année 2011 et ils ont renseigné le taux de plomb présent dans leur sang, y compris quand il était plus faible que 5 microgrammes par décilitre, parce que c'est ce taux-là qui est aujourd'hui considéré comme toxique. Et alors, The Lancet publie ses résultats, accompagnés d'un article de l'épidémiologique, mais c'était épidémiologique. Merci beaucoup. C'est le public qui vous rend nerveuse. Oui. Philippe Landrigan, qui travaille à l'école de médecine de l'hôpital du Mount Sinai à New York, et lui, il considère véritablement que cette étude représente un tournant. The way they did their study was they... Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé sur des données de très haute qualité collectées auprès de 14 000 adultes pendant plus de 20 ans par le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies. Ils ont regardé d'une part le taux de plomb dans le sang détecté chez les sujets et ils l'ont rapporté au risque de développer des maladies cardiovasculaires ou une insuffisance rénale. Et ils ont découvert qu'il y a une corrélation évidente entre le taux de plomb et le risque de développer ces maladies. Plus ce taux est important, plus le risque est élevé. Et le lien est évident, même à des taux très faibles de plomb dans le sang. C'est une découverte très importante qui va dans le sens des rapports de l'OMS, qui nous dit depuis plusieurs années qu'il n'existe pas de niveau non toxique de plomb dans le sang. Le seul taux non toxique de plomb dans le sang, c'est zéro. Et ce qu'il y a de plus surprenant dans ces résultats, c'est l'ampleur du phénomène. Nous savions que le plomb est toxique pour le cœur, pour les vaisseaux, chez les jeunes enfants, mais cette étude confirme que c'est vrai, même à des taux d'exposition très faibles. Et au total, cette étude estime que près de 400 000 décès seraient imputables au plomb chaque année aux États-Unis. Oui, alors un chiffre qui décuple très clairement les estimations précédentes. À titre de comparaison, l'étude annuelle sur le fardeau mondial des maladies pour 2015 évaluait à 558 000 décès, donc 600 000 décès au niveau mondial de la mortalité attribuable au plomb, et ne prenait en compte d'ailleurs que les morts adultes. Alors la létalité du plomb, avec cette étude, elle devient aussi importante que celle du tabac, par exemple, ou que celle de la sédentarité, et elle confirme évidemment des intuitions scientifiques, on l'a compris, mais il faut absolument que ces conclusions soient désormais appuyées par d'autres études, estime Philippe Landrigan, très rapidement pour donner du crédit à ces résultats et pour enclencher vraiment au plus vite des politiques publiques. Bien sûr, ce sont des résultats que les gens vont questionner en disant « Mais comment un phénomène d'une telle ampleur a-t-il pu être ignoré pendant si longtemps ?» Les sceptiques nous diront que les études de population ne prouvent jamais rien. Mais je pense que c'est une position intenable. C'était d'ailleurs celle de l'industrie du tabac pendant de longues années face aux chiffres sur les cancers du poumon. Il est évidemment capital que d'autres études examinent cette question. Mais si cette découverte devait se confirmer dans les années qui viennent, elle aurait de grandes conséquences sur la manière dont on organise la prévention des maladies cardiovasculaires. Et puis, il faut rappeler qu'au cours du siècle dernier, l'utilisation du plomb a augmenté de manière exponentielle. Il est présent absolument partout dans la biosphère. La principale source de plomb a pendant longtemps été l'essence. Ce n'est plus le cas, mais on trouve aujourd'hui du plomb partout, dans les batteries de voitures, dans les cosmétiques. Et cette étude nous rappelle que nous ne sommes pas biologiquement équipés pour supporter une telle exposition. Nous devons trouver des alternatives non toxiques au plomb et amorcer une politique très agressive pour diminuer drastiquement cette pollution partout dans le monde. En bref, maintenant, l'épidémie de rougeole progresse de manière inquiétante en France à cause, évidemment, d'une trop faible couverture vaccinale. La semaine dernière, déjà, on avait des chiffres assez inquiétants pour la Roumanie et l'Italie en particulier, mais la France, évidemment, est concernée avec 913 cas de rougeole depuis novembre dernier, novembre 2017, contre 519 sur toute l'année 2017, ce qui laisse craindre, dans les mois à venir, une épidémie beaucoup plus large. La rougeole, pour laquelle, je le rappelle, il n'existe pas de traitement, peut, dans les cas les plus graves, entraîner des complications respiratoires ou neurologiques, et 9 malades sur 10 depuis novembre sont des personnes qui ne sont pas ou qui sont incomplètement vaccinées. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux face à la dépression. Car il existe une expression génétique différente de la dépression chez les hommes et chez les femmes. C'est ce qu'indique une étude parue dans Biological Psychiatry qui a travaillé sur le cerveau de 100 malades décédés qui souffraient de dépression sévère. Eh bien, cette étude constate que les mécanismes moléculaires qui donnent lieu à la dépression sont tout à fait différents chez les femmes et chez les hommes. Les auteurs soulignent que pendant trop longtemps, les études neurologiques sur la dépression ont été menées uniquement sur des hommes, c'est le cas sur plusieurs maladies, et rappellent la nécessité donc de travailler sur de nouveaux traitements adaptés aux deux sexes. Et pour notre deuxième sujet cette semaine, grâce au télescope satellitaire Hubble, des chercheurs ont identifié pour la première fois une galaxie relique située dans la constellation de Persée et donc observable. C'est quoi une galaxie relique, Zoé ? Eh bien, elle s'appelle NGC 12077. Elle est née dans l'univers primitif, c'est pour ça qu'elle est une relique. Elle a été très active pendant très longtemps, mais elle a complètement cessé d'évoluer il y a 10 milliards d'années. Alors, ça faisait des années que cette équipe de l'université de Laguna, en Espagne, tentait d'identifier une galaxie relique. On n'en avait pas observé réellement jusqu'ici, suffisamment proche de nous, il fallait qu'elle soit pour qu'on puisse la voir. NGC 1277 fait partie des candidates potentielles, mais pour être certain de son statut de relique, pour prouver que son activité avait s'était arrêtée, eh bien, il fallait regarder la couleur de ses amas globulaires. Et c'était ça la preuve déterminante, et c'est grâce à Hubble qu'on a pu le faire, m'expliquait Michael Beasley, c'est le principal auteur de cette étude. Il existe deux types de populations d'amas globulaires. Les premiers sont rouges, ils contiennent beaucoup de métaux lourds, notamment du fer. Les autres sont bleus car ils contiennent beaucoup moins de métaux. Or, nous savons que ces amas globulaires rouges se sont formés en même temps que les toutes premières galaxies. Ensuite, le temps passant, les galaxies ont évolué et sont devenues plus massives en assimilant ou en mangeant des galaxies plus petites. Et se sont alors formés des amas globulaires bleus pauvres en métaux. Dans le cas de cette galaxie, nous avions déjà plusieurs éléments qui nous laissaient penser qu'elle était une relique, c'est-à-dire qu'elle était née très tôt, mais avait cessé de se développer, et qu'elle n'était pas parvenue à cannibaliser ses satellites. Et pour le vérifier, il nous fallait prouver qu'elle avait donc peu ou pas d'amas globulaires bleus, qui sont les témoins d'une activité récente. Pour cela, nous avions besoin de Hubble et de sa très haute résolution, car cette galaxie reste assez distante. Elle est située dans la périphérie de la constellation de Persée, à plus de 200 millions d'années-lumière de nous. Et nous avons pu observer qu'il n'y a chez elle que des amas globulaires rouges. Nous l'avions prédit, mais ça reste une surprise, car jamais au cours de ma carrière, je n'avais observé de galaxie sans aucun amas globulaire bleu. Nous allons pouvoir l'étudier de près et comprendre pourquoi elle n'est pas parvenue à absorber d'autres galaxies. En bref, Donald Trump veut créer une armée de l'espace, une Space Force. Et oui, lors d'une visite mardi à la base aérienne de Miramar, le nid d'élite de l'Air Force américaine, Donald Trump, qui est commandant en chef des armées américaines, a souhaité qu'une nouvelle force soit créée, donc à côté de l'US Army, de l'US Navy, de l'US Air Force, du corps des marines et des gardes-côtes américains. C'était une vieille proposition qui avait été formulée au début par Reagan. « Ma nouvelle stratégie de sécurité reconnaît que l'espace est une zone de combat », nous dit Donald Trump, « tout comme la terre, le ciel et la mer ». Et ce, il faut le rappeler, dans un contexte où la Chine a récemment lancé un missile sur ses propres satellites depuis la Terre. Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable, on peut agresser quelqu'un avec un sourire. Mais oui, je suis sûre que vous le faites régulièrement vous-même, Nicolas Martin. Pas du tout, mes sourires sont entièrement ingénus, voyons. Toujours ingénus. Alors justement, c'est intéressant, car c'est une étude qui a été menée par des psychologues américains et israéliens, qui a regardé un peu nos réactions au sourire et qui a réussi à identifier trois types de sourires. Il y a le sourire de récompense, Nicolas, ce fameux sourire que vous donnez à quelqu'un pour lui dire que vous le rend, qu'il vous rend heureux, que vous êtes heureux d'être en sa compagnie. Il y a le sourire d'affiliation, vous ne connaissez pas très bien, mais vous essayez de créer un lien avec moi, de montrer que vous n'êtes pas une menace pour moi. Et il y a le sourire de dominance, nous dit cet article. C'est un sourire lié au pouvoir, au statut. Et ce sourire, c'est ce sourire, vous savez, angoissant de votre boss, ce sourire angoissant de Kim Jong-un, par exemple. Et l'étude prouve que nous comprenons très bien que ce n'est pas vraiment un sourire. Elle a étudié les réactions de 80 étudiants masculins qui devaient donner une présentation orale devant une webcam à des juges, avec d'autres camarades de classe qui participaient à cette étude. Et pendant ces présentations, ils ont surveillé la fréquence cardiaque des présentateurs et prélevé leur salive pour notamment détecter la présence de cortisol, cette hormone qui est née au stress, qui est liée au stress. Alors constat, quand ils recevaient des sourires de dominance qu'ils interprétaient comme négatifs et en fait critiques, les présentateurs ressentent plus de stress, leur niveau de cortisol monte énormément. D'un autre côté, quand ils reçoivent un sourire de récompense, eh bien évidemment, cet indicateur-là descend. Mais là encore, comme notre étude sur la dépression, on ne peut pas tout à fait généraliser cette étude parce qu'elle n'a été menée que sur des hommes et que la présomption de ces psychiatres, c'est de dire que les femmes probablement réagiraient différemment face à ces types de sourires. Qu'est-ce que vous me faites comme mais sourire je cherche à décrypter votre sourire. Donc, donnez-moi un sourire de récompense. À mon voilà. Non, mais j'ai pas envie de vous donner un sourire de récompense. Oui, j'ai envie de vous donner un sourire d'amitié, oui, de sympathie, de bonne humeur. Merci en tout cas beaucoup pour ce journal des sciences. Peut-être un mot, Pierre Bordage, vous suivez l'actualité scientifique? Oui, bien sûr. Je m'intéresse beaucoup à l'actualité scientifique. Je n'ai pas du tout de formation scientifique. Je suis de formation littéraire. Mais comme je suis entré dans un genre où on m'a expliqué qu'on devait respecter certaines règles scientifiques, au moins les connues, les inconnues on peut s'amuser avec, mais les connues on doit les respecter, eh bien j'ai commencé à m'intéresser à l'astrophysique, etc., tout ce genre de sciences. Qu'est-ce qui vous intéresse par exemple en astrophysique? Quels sont les domaines qui vous passionnent, que vous suivez avec attention? Tout me passionne en astrophysique parce qu'il y a beaucoup de choses inconnues justement qu'on peut transgresser en tant qu'auteur. Et la découverte des exoplanètes, par exemple, récentes, les trous noirs, la fascination des trous noirs, qui sont beaucoup utilisés par les auteurs de science-fiction pour raccourcir les voyages. Enfin, ce genre de choses, tout m'intéresse. La galaxie morte, par exemple, qu'on vient d'observer, une galaxie qui est tellement vieille, oui, où il ne se passe plus rien, qui est en train de décomposer. Comme l'observation de l'espace nous révèle notre passé, c'est absolument passionnant. Ouais. La méthode scientifique, Nicolas Martin. La méthode scientifique en direct du salon Livre Paris aujourd'hui avec Pierre Bordage qui est notre invité tout au long de cette heure et Jérôme Vincent, directeur des éditions ActuSF, qui est avec moi pour vous passer sur le grill Pierre Bordage. Peut-être que pour commencer, pour résumer un peu votre parcours pour les gens, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, est-ce que si je résume la première partie de votre vie comme un mélange de Preacher, Karate Kid et Délivrance? Alors Preacher, c'est pour mes années de séminaire, je suppose. Karate Kid pour mes années de karaté, parce que j'en ai fait 9 ans. Et Délivrance, ne fuyez pas si vous entendez du banjo, c'est parce que je fais du banjo 5 cordes américain depuis de nombreuses années. Le français n'est pas tout à fait votre langue maternelle, c'est vrai ça? Oui, enfin, je plante à moitié en disant ça, mais je suis né en Vendée, ce qui explique aussi le séminaire. Et la langue, le patois, j'ai parlé patois jusqu'à l'âge de 10 ans, effectivement, et à l'école, j'ai appris le français. Comme n'importe quel émigré de France. Jérôme Vincent. C'est aussi le basket en termes de sport, peut-être plus même que le karaté. Ouais, j'ai fait longtemps du basket. J'ai joué assez haut niveau parce que j'ai joué en National 3. Je me suis arrêté assez jeune quand même, mais oui, j'ai, j'ai, toujours eu une passion pour le basket. Ouais, vous êtes arrêté assez jeune, vous avez continué longtemps. Ouais, oui, je me suis arrêté assez jeune à la haute compétition, puis j'ai repris ce qu'on appelle pudiquement loisir, c'est-à-dire les vieux. Voilà, donc vous avez face à vous, mesdames et messieurs, un auteur de science-fiction qui est certainement l'auteur le plus prolifique de la science-fiction française, qui est un prêtre, on va pas dire tout à fait raté, mais un prêtre contrarié, disons. Un mystique contrarié. Un mystique contrarié, parce que vous expliquez ça, et c'est très important quand on connaît un peu certains thèmes récurrents de votre œuvre, cette mystique. Vous dites qu'elle a été frustrée par l'institution ou... Oui, je pense que j'avais des aspirations spirituelles très très petit, très enfant, et quand j'en ai parlé à mes parents, on m'a dit ben faut aller au séminaire, faut devenir prêtre, puisque c'était la seule voie possible pour quelqu'un de mystique. Et pendant 4 ans de séminaire, je pense que l'institution religieuse a brisé mon élan mystique, parce que simplement l'institution religieuse voulait faire de ses élèves des soldats de la foi. Et qu'un mystique, c'est absolument le contraire d'un soldat de la foi. Enfin, c'est ce que j'ai découvert par la suite, parce que quand je suis sorti du séminaire, j'ai tout jeté, le bébé, l'eau du bain, enfin tout. J'ai rejeté complètement les religions. Et j'ai redécouvert après la mystique orientale par des voyages. Et je me suis de nouveau intéressé à ce phénomène-là, parce que je l'avais toujours en moi et que ça demandait à s'exprimer quand même. Vous dites quelque chose que je trouve intéressant dans une interview, vous dites « Les prêtres ont brisé mes merveilleux états extatiques ». Vous étiez un peu comme Sainte Ludivine de Skidam, dans des états d'extase mystique qui vous amenaient dans d'autres univers. Ça m'est arrivé, oui, d'avoir des extases mystiques quand même, enfant, oui. Jérôme Vincent. Vous restez quand même très critique, finalement, contre la religion dans vos œuvres. Alors, si on commence sur ce sujet, ça va être... Allons-y. Je trouve que la religion, je pense que la religion personnellement est une captation de la tendance spirituelle ou du désir spirituel. C'est-à-dire qu'elle propose un dogme pour les gens qui ont un parcours spirituel, et le dogme ne correspond absolument à rien, c'est ce que je disais tout de suite, à l'extase mystique ou au mysticisme. Puisque je pense que la spiritualité, la véritable spiritualité, c'est ce que j'ai découvert après en étudiant un peu tout ça, elle est entièrement et complètement libre. Je pense que la spiritualité rend libre, alors que la religion rend prisonnier, et c'est la grande différence entre les deux. La quête mystique, la quête spirituelle, c'est un des grands thèmes de la science-fiction depuis l'âge d'or jusqu'à aujourd'hui. On pense évidemment à des livres comme Le Programme Conscience de Frank Herbert, on pense à Philip K. Dick, on pense à tous ces auteurs qui ont cherché peut-être quelque part à combler l'absence de Dieu, je ne sais pas, ou à la remplacer, à lui trouver un substitut par l'imaginaire, par la pensée extra-galactique. Même Robert Charles Wilson finalement pense à ces espèces d'entités toute puissance, toute pensante qui serait là depuis tout temps dans l'univers. Ce que vous dites est juste, parce que j'ai découvert la science-fiction en première année d'université, donc assez tard, à l'âge de 18 ans, et c'était la science-fiction de l'âge d'or américaine, et des auteurs comme Ray Bradbury, Frank Herbert, effectivement, même j'ajoute Robert Heinlein, Van Vogt, il y a des tendances mystiques chez, évidemment, Philip K. Dick, c'est bien connu, il y a des tendances mystiques chez tous ces auteurs-là, comme si effectivement il y avait besoin de réfléchir de nouveau sur la nécessité de transcendance de l'être humain. Et donc ces auteurs-là... Alors, après, on pourrait revenir sur le rôle de la science-fiction qui est très méconnu. Enfin, la science-fiction littéraire est très méconnue, contrairement au cinéma qui nous abreuve d'effets spéciaux, bon, etc. Mais la science-fiction littéraire a une ambition énorme par rapport au cinéma, parce qu'elle associe trois choses, entre autres. Bon, outre le fait de proposer une merveilleuse histoire, un merveilleux voyage, elle propose une réflexion sur notre présent, sur l'évolution de nos sociétés. Et elle propose une réflexion, une interrogation sur l'être humain, qui reprend, à mon avis, les interrogations mythologiques et religieuses essentiellement. À plusieurs reprises, dans certains ouvrages, il y a presque la recréation d'une religion, comme si vous étiez intéressé à revenir en fait aux fondamentaux. Je pense par exemple à l'Évangile du Serpent ou même à Gigante. On assiste. Il y a toujours cette dimension prophétique, enfin du prophète ou du premier. C'est quelque chose qui vous intéresse, ça, de recréer quelque chose de cohérent? Oui, ce qui m'intéressait, c'était de revenir à l'époque du prophète, en même temps que le prophète, parce que en tant que catholique, j'étais bercé dans la religion catholique. Quand je regarde la différence qu'il y a entre les évangiles, les paroles des évangiles, et ce qu'on a fait l'Église, c'est tout simplement énorme. Comment une telle distorsion a pu se produire entre la parole du prophète et ce qu'en ont fait les disciples. Et donc, j'essaie de revenir au début du prophète, parce que je pense que le prophète a une fonction, c'est celle d'explorer de nouvelles voies et de proposer de nouvelles voies à l'humanité. Après, comme le disciple, eux, n'expérimentent pas, c'est-à-dire qu'ils recueillent la parole du prophète sans en avoir l'expérience, ils vont remplacer l'expérience par le dogme et donc créer des obligations et tout un appareil qui va obliger à penser d'une certaine façon. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de revenir à la source. Et j'invite souvent les gens qui me parlent de religion, je dis, mais allez à la source de vos textes, regardez, lisez vos textes et vous verrez que ce que vous en faites, c'est pas forcément la réalité. Il y a ces évangiles, ces évangiles complémentaires que vous avez essayé d'écrire. D'ailleurs, c'est votre incursion en dehors de la science-fiction. C'est votre seule quasiment incursion, Pierre Bordage, en dehors de la science-fiction. Mais il y a aussi, à propos d'Orchéron, la suite d'Absalon, vous écriviez, je voulais vraiment faire une longue série avec des sauts de mille ans en mille ans, un peu comme si j'écrivais la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. À quel moment, Pierre Bordage, quand on est auteur, on se dit « Bon, allez, je vais m'atteler à réécrire les évangiles, à compléter les évangiles, voire à réécrire la Bible ». D'où naît cette idée? Un accès de mégalomanie, probablement. Émile Zola l'a fait. Émile Zola a réécrit les quatre évangiles du Nouveau Testament. Oui, j'avais vraiment l'intention avec Absalon, Orchéron, tout ça, de faire une série. Ça s'arrêtait parce que, bon, quelque part, l'accueil d'Orchéron n'a pas été bon. Et ça m'a un peu découragé de me lancer dans un énorme cycle comme ça. Mais les évangiles, c'était l'évangile du serpent. C'est évident que l'intention était de réécrire l'évangile directement, puisque les quatre personnages sont les quatre évangélistes. Je reprends, j'ai rajouté une fille quand même, parce qu'il en manquait un peu dans le premier. C'est-à-dire que Luc devient Lucie, mais j'ai repris la structure des évangiles avec quatre disciples qui racontent le nouveau Messie. Et puis la trilogie entière des prophéties avec l'ange de l'abîme, c'est une réécriture de l'Apocalypse. Et puis le chemin de Damas, qui est le troisième tome, c'est les actes des apôtres, en fait, qui sont après les évangiles. Donc il s'agit d'une vraie réécriture consciente des textes sacrés chrétiens. Mais quel est le point de départ? C'est-à-dire, comment est-ce que cette idée-là germe en vous? Est-ce que c'est une idée qui vous habite depuis longtemps? Comment est-ce que ça se présente à un moment donné? Je suis Pierre Bordage, je suis devant mon cahier, mon ordinateur, et je me dis, allez, je m'engage dans ce projet. C'est quand j'ai vu la différence, justement, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la référence de réaction de ce qu'on appelle l'Église, la différence d'interprétation de l'Église et du texte originel. C'est ça qui m'a incité à écrire en disant, je vais revenir au texte originel, je vais refaire un prophète et je vais être dans l'instant du prophète pour voir que finalement, la parole du prophète peut être sans arrêt, sans cesse détournée. Comme tout d'ailleurs, comme la science est détournée par rapport à son objectif d'origine qui est d'améliorer le sort de l'espèce humaine et qui souvent tombe sous la coupe d'intérêts commerciaux, enfin, etc. L'Église, ce sont les intérêts commerciaux de la spiritualité. Jean-Bassan. Je voulais peut-être pousser un cran plus loin sur la notion de compteur. Alors ça revient un petit peu peut-être au prophète et à ses disciples. Ouais, alors le compteur électrique qui peut éventuellement brûler. Mais là, c'est pas le cas. C'est plus sur le côté de la transmission. Je pense aux griots célestes, qui sont des griots qui passent de planète en planète et qui unifient l'humanité. Mais je pense aussi à la fraternité du Panka, où dans le premier, c'est un frère qui va apporter une nouvelle. Il y a une notion de transmission dans votre œuvre, transmission du savoir et en même temps ce qui fait de nous des êtres humains. Je m'intéresse beaucoup à l'idée que l'humanité compose une trame. Que dès qu'on agite un bout de cette trame, l'autre bout le ressent. Ce qui peut être traduit ou résumé par la parole du Christ, là encore, c'est ce que vous faites au plus petit d'entre moi, c'est à moi que vous le faites. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse à autrui, on touche l'ensemble de la trame humaine. Et donc, la fraternité du Panka et les griots célestes illustrent cette trame humaine, c'est que nous sommes tous liés les uns aux autres, quoi qu'il se passe, et ça me surprend toujours quand on traite un être humain d'ennemi, parce que l'être humain, il est moi, il est aussi moi, il fait partie de la même trame que moi, et si je lui fais du mal, ou si je lui parle, au contraire, si je lui fais du bien, c'est l'ensemble de la trame qui va en bénéficier. Donc je travaille beaucoup là-dessus dans les livres, j'essaie vraiment de développer cette idée de trame humaine en permanence, pour que chacun se sente responsable de l'ensemble. Diriez-vous, Pierre Bordage, que ce travail-là, ce travail mystique, il emprunte aussi à quelque chose qu'on retrouve dans une large partie de votre œuvre, une vraie préoccupation qui est celle de reconstruire un récit d'ampleur mythologique. Est-ce que ce qui vous intéresse dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ou quand vous retentez de réécrire les Écritures, c'est précisément la mythologie humaine qui constitue finalement cette Bible et l'expérience religieuse? Oui, bien sûr, parce que c'est mes premières lectures d'enfance, ce sont les mythologies, et j'y plongeais corps et âme en permanence, parce que pour moi, ça me transportait dans un monde extraordinaire à la fois, et qui me faisait réfléchir, et qui me parlait de l'humanité. J'ai l'impression que les mythologies, bon, on peut les interpréter de façon psychanalytique ou psychologique ou tout ce qu'on veut, mais que les mythologies agissent quelque part dans l'inconscient, appuient sur des boutons inconscients pour déclencher des réactions en nous ou des prises de conscience en nous. Et j'avais vraiment cette impression-là en lisant des mythologies, et c'est ce que j'ai voulu aussi faire. Et j'ai trouvé, en lisant mes premiers livres de science-fiction, que la science-fiction était la littérature mythologique moderne, c'est-à-dire qu'elle reprenait ces vieilles interrogations. Évidemment, la lueur des inventions scientifiques, donc ça la déplace un peu dans l'espace. Hein. Je veux dire, avant on croyait que la Terre c'est le centre de l'univers, on sait maintenant que c'est un petit bout, elle est perdue dans un petit coin de l'univers. Donc ça nous oblige à nous remettre un peu en question par rapport à nos connaissances. Mais les grandes interrogations, elles traversent les âges, ce sont les mêmes. Hein. Je prends le mythe de Gilgamesh, mythe sur l'immortalité. Énormément de récits de science-fiction réinterrogent sur le mythe de l'immortalité. Avec les biotechnologies, on va être en plein dedans, là. Vous précisez que vous avez passé une partie de votre vie à voyager, notamment à voyager en Asie, au contact de ces cultures, de ces mythologies-là. Il y a quelque chose d'intéressant aussi pour rester dans ce domaine mythologique, dans l'enjeu mineur, la volonté, et c'est rare, et c'est encore plus rare en science-fiction, d'utiliser un substrat mythologique français, national. Ça existe assez peu, ça, finalement. Voilà. Alors, c'est l'aspect vendéen qui est revenu. Voilà. puisque la Vendée avait été très impliquée dans la Révolution, enfin, dans la contre-révolution, pour le coup. Et donc, je me suis intéressé parce que je ressentais dans le pays comme un traumatisme latent, qu'on ne voyait pas, mais qui était présent partout. Et je me suis dit, un jour, j'irai voir dans cette histoire parce qu'elle a créé de grands, de violents et de profonds traumatismes. Et je suis allé sans a priori. Et ben voilà, je me suis rendu compte aussi que la Révolution française, qui est un peu notre vache sacrée, qui est notre acte fondateur en quelque sorte, moderne, elle trimballe beaucoup de casseroles, d'énormes casseroles, et qu'elle est un laboratoire rapide en 3 ans de toutes les horreurs à venir du XXe siècle. C'est-à-dire le massacre de masse, l'idéologie triomphante, etc., etc. Je me suis intéressé aux mécanismes de la Révolution. Elle est ni bonne ni mauvaise, mais ce qui m'intéressait, c'est de voir comment les mécanismes se déraper en permanence. Tous les ismes, en général, dérapent. Et donc, communisme, nazisme. Voilà, on a fait beaucoup d'idéologie, et l'idéologie était le grand fléau du XXe siècle, à mon avis. Mais lié à un récit de science-fiction, encore une fois, cette mythologie nationale, c'est assez atypique. Que pensez-vous, par exemple, je suis assez curieux, je ne sais pas si vous avez lu Romain Lucaso, Latium. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai son livre, mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Fait du space opéra inspiré un peu très racinien. Hein, alors, ce n'est pas tout à fait inspiré d'une mythologie nationale, mais en tout cas, ça louche très clairement vers le théâtre de Racine. Bah, moi, je pense que la science-fiction est une littérature sur le temps, du temps, et donc qui associe les temps passés, présents, à venir, et pour une réflexion globale sur le temps, hein, je pense. Mais la question, alors je vais la reformuler différemment, c'est-à-dire que l'imaginaire collectif de la science-fiction, il est très anglo-saxon. Les grands auteurs, l'âge d'or, c'est une littérature très anglo-saxonne. On a de grands auteurs de science-fiction en France, dont vous faites partie, et on a l'impression que finalement, ce terreau mythologique national, il faut presque pas le toucher ou s'en éloigner. Sinon, finalement, on s'est engueulé par Mélenchon. C'est un peu le problème. Dès qu'on touche à la Révolution, on n'a pas le droit d'y toucher, mais j'ai été défendu par des historiens. Je suis allé au salon du livre d'histoire de Blois, certains historiens disent que finalement c'est bien que des auteurs d'imaginaire s'emparent du stéréo national dont vous parlez, parce qu'il appartient à tout le monde et que c'est un peu comme ça aussi qu'on peut faire venir les gens qui n'ont pas l'habitude d'y venir dans l'histoire, dans la Révolution, dans tout ça, qui sont très très mal connus finalement. Ce sont juste, on ne connaît que quelques phénomènes, quelques dates. Mais on ne sait pas exactement ce qui s'y est passé, donc ça permet peut-être de rentrer. Et il disait ça aussi à propos d'Assassin's Creed, le jeu vidéo qui avait fait polémique aussi. Mais c'est très bien de pouvoir inviter d'autres types de lecteurs dans dans des matières qu'ils ne fréquentent jamais, sinon. Vous dites, c'est dans l'histoire que j'ai vu qu'il y avait des mécanismes qui se répétaient en permanence, on commettait toujours les mêmes erreurs parce qu'on n'était pas capable de se sortir de ces mécanismes de pensée. L'histoire, ce sont des archives existantes. Dans le cas d'un space opéra, l'auteur doit créer des archives du futur. En fait, un auteur d'anticipation, c'est un historien du futur. Je ne saurais mieux dire. C'est normal, c'est vous qui l'avez dit. Non, mais cette notion d'historien du futur, c'est intéressant. Oui, oui, tout à fait. Ben, c'est ce dont je me suis rendu compte. Puis, alors, ce que j'adore faire dans les livres, ce sont des préambules avec des extraits d'encyclopédies fictives, des extraits d'archives historiques fictives, etc. Effectivement, j'ai vraiment l'impression de bâtir une histoire du futur, mais je suis obligé de créer les pièces parce qu'elles n'existent pas. C'est la seule différence avec l'historien qui, lui, déterre les pièces qui existent. Mais le travail de rigueur est exactement le même, finalement. C'est-à-dire que c'est pour consolider l'époque, parce que quand on est dans une construction imaginaire, elle peut s'écrouler très facilement et on est sans arrêt obligé de la consolider parce qu'elle n'existe pas. Et donc, quand on raconte une histoire imaginaire à un lecteur, on lui raconte un mensonge, ça n'existe pas. Donc, on est obligé de lui faire croire, de lui faire adhérer à ce mensonge et donc d'utiliser tous les subterfuges, tous les ingrédients pour qu'il y adhère. Donc, ben voilà, on crée des archives du futur, comme s'il y avait eu un explorateur du futur qui avait laissé un carnet de voyage, ce genre de choses. Et ça, pour moi, c'est une gourmandise. C'est vraiment ma récompense à la fin d'un chapitre de faire le préambule du chapitre. Jean-Bassan, vous avez aussi écrit que dans ce mensonge, on pouvait découvrir des brides de vérité. Ouais, c'est ce qui vous anime et c'est l'objectif à chaque fois, en construisant un roman imaginaire, d'y mettre un petit peu de vérité dedans. Alors, ouais, c'est un peu paradoxal, je crois, parce que finalement, dans l'imaginaire, plus on va loin dans l'imaginaire, et puis il y a des vérités qui se déterrent. J'ai l'impression que c'est une longue plongée dans le fleuve humain. Un roman, pour moi, c'est je m'immerge complètement dans le fleuve humain et je ramène des choses à la surface. Et probablement qu'il y a dans les choses que je ramène à la surface, il y a des vérités. Souvent, on a dit oui, c'est tout ça, la fiction, rien ne vaut l'autofiction, parce que la fiction, c'est du mensonge, c'est de la tromperie, c'est de la supercherie. Et je pense qu'il y a probablement plus, au moins autant de vérités dans les fictions que de mensonges dans les autofictions. Parce que c'est une réécriture de sa propre vie. Et la réécriture de sa propre vie, par l'acte d'écriture, ça emmène forcément à créer une fiction à propos de soi, donc un mensonge aussi, quoi. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Good Time de Regina Spektor à 16h34 sur France Culture. Nous sommes en compagnie de Pierre Bordage et on a encore un peu de temps, comme le dit Regina Spektor. On a encore une bonne demi-heure avec nous pour parler de l'œuvre d'un des maîtres de la science-fiction française, si ce n'est le maître de la science-fiction française. Et nous avons en notre compagnie Jérôme Vincent, le directeur des éditions Actu SF, pour l'interroger. Si on dès un jour se penchait sur notre histoire, on dira probablement qu'elle a commencé avec l'arrivée de la navette de liaison numéro 2. En réalité, tout était écrit depuis longtemps. Depuis très longtemps. Depuis la nuit des temps, sans doute. « Pierre Bordage, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on vient d'entendre? Oui, c'est un extrait de Dante 01, c'est le début, je crois. Exactement. Avec l'actrice roumaine qui s'appelle Simona, je ne sais plus son nom de famille. Vous me pouvez me coller. Je ne l'ai pas sous les yeux. Ouais. Pourquoi ce film? Qu'est-ce que vous, comment y avez-vous contribué? Alors, c'est comme souvent dans ces cas-là, c'est le réalisateur Marc Caro qui est venu me chercher. C'est-à-dire qu'il cherchait des auteurs de science-fiction pour développer des projets de science-fiction. On s'est rencontrés et on a décidé de monter le projet. On a commencé à discuter. On a rencontrer le même producteur, etc. On a fait toutes les démarches pour monter un film. Le film s'est lancé avec petit budget, beaucoup, beaucoup trop petit budget, parce que la science-fiction souffre difficilement d'un petit budget, d'un budget au rabais. Ce qui a fait que Marc n'a pas pu tourner toutes les scènes comme il voulait le faire, qu'il a été obligé de bricoler le film et que le film perd beaucoup de sa force, à mon avis, par rapport au projet initial. Voilà. On se demandait avec Jérôme Vincent en préparant cette émission pourquoi dans une œuvre aussi pléthorique que la vôtre, hein, on a compté plus d'une soixantaine de publications, comment se fait-il alors qu'on a là un vivier formidable d'idées, de mythologies, de personnages, comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus d'adaptations? Vos rapports avec la transposition dans le cinéma, dans l'audiovisuel, ça s'est pas toujours très bien passé. On entend quelques notes du générique de la série Les Revenants de Fabrice Gobert, qui est un des projets auxquels vous avez mis, dans lequel vous avez mis un doigt avant de le retirer tout de suite. Oui, mais avant qu'on me le coupe, oui. je sais pas, mais... Alors, c'est compliqué le rapport de la science-fiction écrite avec la science-fiction de cinéma en France, en Europe aussi, parce que c'est très très cher là. Tous les projets de science-fiction coûtent cher, à cause des effets spéciaux souvent, et que donc on n'a pas les moyens de monter des films de science-fiction, donc il faut se battre comme des chiens. La Marc Caro, j'ai vu... Enfin, les trucs de fou. Et on n'a jamais la chance de pouvoir développer des projets ambitieux, à part Luc Besson qui a les moyens, parce qu'il a produit son dernier film à 170 millions d'euros, comme c'est rappelé un peu partout. Valérian, voilà. Mais lui, il tourne plutôt selon les critères et les partenaires américains. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué. Et moi, j'ai souvent été déçu dans le milieu du cinéma parce que ça rabote énormément, mais ça, c'est de l'industrie, on passe dans l'industriel. Donc. Tous ces sujets à discussion, tout est prétexte à raboter le budget et on n'a pas les moyens de nos ambitions, donc c'est compliqué. Jérôme Vincent. Il y aurait eu une envie, parce qu'on sent bien une espèce de flirt quand même avec le cinéma, il y a eu des novélisations, il y a eu des projets. Est-ce qu'il y aurait vraiment un livre que vous aimeriez être adapté? 60. Ouais, au moins. Oui. non, mais disons, il y a deux projets actuellement. Il y en a un qui me fait plaisir, c'est Wang. Mais pour l'instant, dans le stade des négociations, donc absolument rien de fait. Et puis le deuxième, alors lui, il a une histoire un peu particulière parce que c'est les fables de l'impur. Un livre assez bizarre d'ailleurs, parce que c'est des personnages qui sont mi-humains, mi-animaux, suite à des manipulations génétiques. Et il a été acheté une première fois par une société suisse qui a fait faillite ensuite. Chat noir, peut-être, je sais pas. Et ensuite, ça a été repris par une autre société, suisse également, qui a abandonné le projet, et ça vient d'être racheté une troisième fois par la première société suisse. Donc, un jour peut-être, on aura l'adaptation de ce roman. Et en plus, je pense que les réalisateurs veulent faire quelque chose de nouveau en animation, et ça peut être intéressant. Peut-être que l'endroit idoine pour adapter de la science-fiction en France, tout du moins, c'est l'animation, justement, parce que ouais. On voit que la science-fiction, par ailleurs, n'est plus du tout un parent pauvre du cinéma depuis une quinzaine d'années. Là, je m'adresse à tous les deux. Je m'adresse à vous, Jérôme Vincent, comme directeur d'ActuSF. Aujourd'hui, on voit que la science-fiction fonctionne au cinéma, qu'il y a des grandes franchises. Star Wars repart. On a même Netflix qui lance la production de séries de science-fiction, avec même de films de science-fiction, avec des résultats, d'ailleurs, assez divers en termes de qualité. Mais la science-fiction fonctionne, elle est vendeuse. Or, ça, dans la pop culture, on ne trouve pas le retour dans la littérature. C'est-à-dire que ouais. La littérature de science-fiction ne se vend pas aussi bien que la série ou le cinéma de science-fiction. Pierre Bordage et puis Jérôme Vincent sur cette question-là. Ouais. Parce que c'est votre marotte, Jérôme. Le cinéma, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que la science-fiction littéraire est plus ambitieuse, si tant est qu'on puisse dire ça, que le cinéma qui a un côté spectaculaire très rapide. En fait, dans la littérature, mais ça vaut pour toutes les formes de littérature, il faut que le lecteur participe lui-même à l'imaginaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il rentre dans l'univers d'un auteur et ensuite qu'il s'empare de cet imaginaire, qu'il le crée selon son propre imaginaire. Dans le cinéma, on lui apporte tout sur un plateau, jusqu'à le dire. C'est-à-dire que tout est prêt, c'est l'imaginaire de quelqu'un d'autre qui s'impose, il a juste à regarder et absorber. Donc il y a cette différence-là, je pense, et puis la science-fiction littéraire, elle s'est peut-être éloignée par moments de son lectorat, en France en particulier, parce qu'elle a eu un bon succès dans les années 60-70, je dirais, où il y avait quand même de gros tirages pour la science-fiction, et puis ça s'est perdu dans les années 80, et il y a eu une reconquête à partir des années 90, et là, je pense qu'on est encore en phase de reconquête. Je pense qu'il y a eu des bons succès. Les Gars du Silence, par exemple, à la Talente, a été vraiment quelque chose qui a lancé un peu les choses. Oui, bien sûr. Alors, donc, il y a encore de la place pour une science-fiction ambitieuse et populaire, mais bon. Jérôme, peut-être une question aussi. Est-ce que le problème ou la différence majeure entre la science-fiction pop, de l'audiovisuel, des séries, de la science-fiction cinéma et de la littérature, c'est que bien cette science-fiction, elle est très dépolitisée, elle est prête à consommer pour tout le monde, elle ne porte pas les messages, ouais, elle n'a pas l'ampleur que peut avoir la science-fiction littéraire? Alors, simplement, on n'a jamais vu autant de projets de science-fiction être adaptés au cinéma. Il y a beaucoup, beaucoup, notamment chez les anglo-saxons, d'achat. Et puis quand je vois des séries comme Black Mirror par exemple sur Netflix, hein, qui pour le coup est une marotte, on a une science-fiction là pour le coup ambitieuse et qui ne fait que parler du présent, qui est très politique et qui est toujours le propos un petit peu de la science-fiction en littérature. Pour expliquer la différence entre le livre et le film, c'est simplement qu'il n'y a pas d'interpénétration des médias, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez voir de la science-fiction au cinéma, vous allez lire des bouquins de science-fiction. On a une concurrence des loisirs. Et les vases communicants ne fonctionnent pas forcément. Il y a un exemple à ce propos, c'est Pierre Boulle. Combien de lecteurs ont lu La planète des singes, qui est un formidable livre, par rapport au nombre de personnes qui ont regardé les films. On va revenir à votre œuvre, Pierre Bordage, et on va revenir d'ailleurs au tout début de vos travaux, votre toute première œuvre qui est arrivée très très tardivement. Alors je vais pas revenir sur tout votre parcours dans les voyages en Asie, libraire à Paris, vendeur de produits financiers. Vous êtes même devenu journaliste sportif sur un malentendu, et vous auriez même, selon la légende, coulé la boîte pour laquelle vous bossiez. Non, c'est une fausse légende, je crois. C'est une fausse légende. Bref, vous avez commencé à écrire Les Guerriers du Silence très tardivement, et vous le dites, et je trouve ça intéressant, quand j'écris mon premier roman à l'âge de 30 ans, c'était comme une jubilation, un jaillissement de sources spontanées et naturelles. D'ailleurs, j'ai écrit le roman sur un cahier quasiment sans rature que l'on peut trouver aujourd'hui exposé à la BNF. Alors racontez-moi le début, la genèse de ces Guerriers du Silence. Comment est-ce que ça a surgi? Comment est-ce que vous êtes passé à cette écriture? Alors, je revenais d'une tournée de foire et de salon où je vendais un tas de bricoles. Hein, et je me suis retrouvé à la maison. Là, j'avais un enfant, on attendait un deuxième. Et j'avais un peu de temps devant moi. Et d'un seul coup, j'ai eu envie d'écrire. Vraiment, ça, c'est parti comme ça. J'ai pris un cahier, un grand cahier d'écolier, la petite carreau. J'ai pris un crayon et puis je suis parti directement dans l'écriture. Et je me suis arrêté 600 pages plus loin. En 6 mois. En 6 mois, ouais. Et c'est marrant sur le cahier d'ailleurs. Alors quand je parle de jubilation, il s'agit vraiment de ça, parce que sur le cahier, il n'y a quasiment pas de rature. C'est vraiment ça. C'est parti comme ça et ça ne s'est pas arrêté jusqu'à la fin. C'est presque une expérience mystique. Oui, une expérience de transe en tout cas. Ouais. Et vous avez toujours des routines, parce que depuis il y a 60 romans, moi je suis toujours curieux. Alors vous expliquez hein, aussi, vous dites que vous êtes un jardinier, que vous n'êtes pas un architecte ou un structurant, c'est-à-dire que vous vous laissez habiter par les personnages. Quelles sont vos routines d'écriture? Comment naît autant d'idées pour publier 2, 3, parfois 4 romans dans l'année? Ouais, ben là j'ai par exemple 5 romans d'avance à écrire. Donc, 5 romans d'avance à écrire? Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont déjà écrits à 5 projets. 5 projets, oui. Donc, je ne suis jamais en panne d'idées. Ce n'est pas les idées qui manquent. Ce qui est plus difficile, c'est l'écriture, parce que justement, comme je suis un scripturant ou un jardinier, c'est-à-dire quelqu'un qui fonctionne par l'écriture, il m'arrive parfois de perdre confiance dans ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que le scripturant, c'est celui qui rentre dans un livre comme un mineur dans une mine. Il creuse, il a la lumière de l'entrée, puis à un moment, il perd toute lumière. Pas de lumière de sortie, plus de lumière de l'entrée, il est dans le noir, est suspendu à son propre texte, à son propre récit, et il y a une crise de confiance qui s'installe en général. Du temps où ma femme était de ce monde, je descendais et je lui disais, écoute, ça va pas du tout mon livre, il vaut rien, vraiment c'est nul, je suis bon à rien, bon, je vais faire autre chose. Puis elle me disait, oui, tu as raison, remonte travailler. Et donc, bon d'accord, je remontais travailler, puis je continuais, la crise de confiance était passée, et puis donc voilà. Les idées, il y en a plein. Le point de départ. Ouais, les points de départ, c'est une idée qui s'impose. Parce que les idées, il y en a plein qui traversent. N'importe quelle situation dans la vie peut engendrer une idée. Par exemple, je suis là devant un public et donc je me rends compte que finalement, les lumières diminuent peu à peu. que les dents commencent à pousser et que je me sauve dans une assemblée de vampires. Quoi. Donc, voilà. En fait, vous trompez, c'est des robots. Ou des robots, enfin, voilà. Donc, une idée, ça peut venir n'importe quand, à n'importe quel moment, en entendant une émission de radio, en lisant un livre, en discutant avec quelqu'un, en se promenant dans la nature, enfin bon. Et après, l'idée, si elle ne s'impose pas, elle s'élimine. C'est comme la conception, à un moment. Il faut qu'elle soit fécondée pour qu'elle grandisse à l'intérieur de soi et qu'elle veuille sortir un moment sous forme d'accouchement. Et cet accouchement, c'est l'écriture à ce moment-là qui est la part de l'accouchement. Et la part de conscient et d'inconscient, on parlait de bride de vérité dans les mensonges tout à l'heure. Donc, il y a ce rapport à l'actualité. Je pense à Wang, par exemple, avec l'immigration, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des idées ou des brides de vérité qui se glissent sans que vous en ayez conscience dans l'écriture? Oui, bien sûr, il y a plein de choses. Parce qu'il y a le côté éponge. Je pense qu'un auteur, c'est une éponge qui capte plein de choses autour de lui et qui les ressort par l'écriture. Et effectivement, il y a des bribes. Encore une fois, c'est aussi une réflexion sur le présent. Donc, on est nourri par le présent, par tout ce qui se passe. Mais la façon dont je travaille, c'est vraiment de l'immersion. C'est quand même 95% d'inconscient. Quoi. 95%. Oui, je ne sais pas du tout ce que vont devenir mes personnages. Je me couche parfois. J'arrête ma journée. Et mes personnages sont un peu comme Rouletabille là dans l'histoire, enfermés dans une malle, enchaînés au fond de la scène. Et puis voilà, moi je vais me coucher. Et puis on verra ce qui se passe demain. Quoi. C'est-à-dire que quand vous attelez à un nouveau projet, à une nouvelle narration. Vous commencez, vous créez, vous n'avez pas de fiche de personnage, vous posez des noms, et puis vous ne savez pas du tout, c'est-à-dire que vous découvrez au fil de la plume comment votre histoire va se résoudre. Oui, quand vous posez les deux premières lignes, le roman peut faire 15 pages ou 350. Oui, ça m'est arrivé d'ailleurs de partir pour un roman et d'être obligé d'en faire 3 ou 4 tomes parce que j'arrivais pas à finir, mais bon. Mais je n'ai pas du tout d'idée. Parfois, je sais à peu près vers où vont les personnages. Je me dis, vont ça dans cette direction-là, sud, ils vont peut-être arriver sud-est ou sud-ouest. Ils vont être à peu près dans la direction. En revanche, tous les chemins pour y arriver, je ne les connais absolument pas. Et après, sur l'art lecture, parce qu'un roman, ça s'écrit, puis après, ça se relit avec l'éditeur ou avant. Voilà. Gaffe, l'éditeur. C'est l'éditeur qui parle. Faites attention, Pierre Brodage. Sans retort, ces gens-là. Oui, c'est toujours bizarre. Quel est votre regard à cette relecture de ce que vous avez écrit, comme ça, qui semble d'un premier jet? D'abord, je suis surpris par la cohérence, parce que je l'ai perdu de vue, et en général, l'inconscient, pour moi en tout cas, organise mieux que le conscient, et je suis surpris par le fait qu'il y ait une cohérence déjà. Bien sûr, il y a quelques petits trucs qu'il faut que je réajuste parce que souvent, d'ailleurs, c'est l'histoire de temps, la temporalité des personnages. Parce que comme j'emmène plusieurs de fronts, il faut que je réussisse à coordonner tout ça. Mais généralement, ça tient la route. Et j'attends avec impatience la réaction de l'éditeur parce que si ça ne tient pas la route, c'est une catastrophe. Ça veut dire que si le roman souffre d'un problème de structure, il faut le recommencer quasiment de A à Z. Faut refaire les fondations, faut refaire la maison. Donc quand c'est que des scories d'écriture, ça me va très bien. C'est arrivé ça? De quoi? Non, jamais. Ah. Il y a quelque part. Est-ce que vous avez des routines d'écriture? Est-ce que vous avez une écriture très routinière, Pierre Bordage? Les routines, c'est le temps. C'est mes horaires de bureau. Je m'attelle au travail le matin vers 8h30, je finis vers 5h30, 6h. Tous les jours. Et tous les jours, vous écrivez. Oui. C'est-à-dire que vous laissez pas de temps de divagation, Quand je viens de finir un roman, oui, je laisse environ une semaine ou 15 jours avant de recommencer un autre. Mais à la fin, pas au début. Enfin, du coup, c'est le début du suivant. Oui, c'est le début du suivant. Ouais, exactement. Autre question, quand on écrit comme ça au fil de la plume, est-ce que vous continuez à écrire sur ordinateur, sur un cahier, à la main? Et est-ce que vous continuez à écrire sans rature avec ce jaillissement qui était celui de votre premier roman? Non, c'est compliqué aussi parce que. Au fur et à mesure que passent les années, s'installe quelque chose qui s'appelle le métier, et le métier qui est redoutable parce qu'il a tendance à tuer la jubilation. Et il faut toujours veiller, enfin j'essaie toujours de veiller à garder à la fois de la jubilation et à la fois un regard plus aigu qui est le regard de l'expérience en quelque sorte. Et l'équilibre est parfois un peu dur à trouver, quoi, un peu difficile à trouver. Mais je traverse des moments difficiles. Là, je viens de terminer un tome 2, la Arcane 2, la Résurrection, et il était très compliqué à écrire pour moi, celui-là. Parce que? À cause de tout ça, je pense, à cause du fait qu'il y a des enjeux, qu'il y a une forme de perte d'innocence, et que donc, il y a un regard plus critique, et il y a, vous savez, cette espèce de petit machin qui est sur l'épaule, qui n'arrête pas de critiquer ce qu'on fait. Ouais, c'est nul ce que tu fais, tout ça. Et il a tendance à l'ouvrir de plus en plus, donc il faut que je le baïonne de plus en plus, enfin... Bon, et à un moment, je passe un cap où je vois que ça va être ça va galoper. D'un seul coup, je suis obligé de couper tout, couper le mental. Vous savez, tout le petit juge, le petit senseur qui est sur l'épaule, je le coupe entièrement et après, ça galope vers la fin en général. Et ça n'a pas dérogé à la règle. Et là, je suis parti à fond sur la fin. Et encore une question sur cette écriture au fil de la plume, quand on est auteur de science-fiction. Comment est-ce qu'on compose ces univers, ces mythologies? Est-ce qu'on peut composer des mythologies au fil de la plume? Il n'y a aucun moment où vous dites, attendez, ça c'est tel dieu, ça c'est telle planète. Vous êtes obligé de vous faire des schémas pour vous retrouver. Ces mythologies, oui, alors, surgissent naturellement au fil du récit? Au début, j'avais rien à côté de moi, donc j'écrivais uniquement sur le cahier ou sur l'écran. Et je changeais de nom de personnage sans m'en rendre compte. Et je changeais des trucs, ça. Et au bout d'un moment, ça... Comme Alexandre Dumas. Ouais. Je sais pas. Je suis Alexandre Dumas, écrivait au fil de la plume. Il y a plein de fautes de raccord dans Les Trois Mousquetaires, notamment. Deux sont passés au travers. Hein, deux changements de nom de personnage sont passés au travers. Ont été édités comme ça. Hein, le personnage change de nom le chapitre suivant. Pas chez moi. Et j'ai même un jour mon fils qui est en train de lire un de mes livres. Il me dit sur ta planète, Intel, il y a des euros. Il y a des euros. Et je vais voir, oui, j'avais oublié, j'avais laissé des euros. Et personne n'y a vu du feu. Les zéros sont restés sur cette planète. Après, j'ai pris l'habitude d'avoir un cahier à côté de moi. Je note le nom des personnages, je note le nom des planètes. Ça m'arrive de noter des notions de temps, c'est-à-dire le temps d'un voyage de vaisseau, par exemple, parce que s'il va mettre plusieurs années ou même plusieurs générations, il faut s'y retrouver, enfin, etc. Donc j'ai quelque chose à côté de moi maintenant que je note. Ouais. Donc vous êtes un jardinier, mais un jardinier organisé. J'essaie de m'organiser. Jérôme Vincent. Ce qu'il faut savoir, Nicolas, c'est que souvent, quand il y a une collection qui se crée, on appelle Pierre. Hein, une collection jeunesse, Uchronie, un bouquin de Pierre. Est-ce que, je me souviens, Pierre, que vous nous aviez dit que vous aimiez les contraintes. Ouais. Donc, on apporte une idée comme ça. Est-ce que c'est pour retrouver cette forme de jubilation? Je pense que oui, parce que je dis toujours oui aux gens qui me proposent de faire des nouvelles. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ouais. Et après, ça m'a mis dans une panade noire, parce que je n'ai plus le temps, mais bon, bref. Et la nouvelle, je ne suis pas un novelliste naturel, c'est-à-dire que je suis pas venu à l'histoire courte de façon spontanée. Et c'est un milieu qui invite beaucoup à écrire des nouvelles. Et donc j'en ai écrit aussi une soixantaine, là, quand j'ai eu trois recueils à la Talente. Et toutes les nouvelles, quasiment, à part une ou deux, ont été imposées. Le thème a été imposé, c'est-à-dire, voilà, on va parler des voyages, on va parler de ceci, on va parler de cela. Et ça m'amuse énormément. J'aimerais bien un jour écrire le truc le plus pourri au monde. Le sujet, quoi, je veux dire, le bottin mondain, qu'est-ce qu'on peut faire? Et la science-fiction, est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dessus? On va chercher, alors. J'adorerais ça, ouais. Est-ce que vous pensez toujours, Pierre Bordage, que l'anticipation, la science-fiction font partie des cartes de fou de notre quotidien, que le rôle de l'auteur d'anticipation, c'est d'alerter, c'est d'être un lanceur d'alerte par la fiction? Oui, je le pense, oui, bien sûr, de plus en plus, parce que malheureusement, l'accélération technologique ne laisse pas la place à la réflexion. Et seuls les auteurs peuvent s'installer dans cet espace pour réfléchir et dire on va prendre l'exemple des OGM, les organismes génétiquement modifiés. Si on les impose sur le marché sans le moratoire qui semblerait nécessaire pour savoir ce que ça devient, seuls les auteurs font cette réflexion-là. Seuls les auteurs projettent dans l'espace-temps un peu plus loin pour voir comment ça se passe. Et cet espace est très, très important. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a peut-être un problème pour développer la littérature de science-fiction, c'est que c'est quelque chose d'assez anxiogène, finalement, quand on y réfléchit, parce que ça décrit des mondes qui sont sombres. Et en général, on fait ce qu'on appelle des dystopies pour alerter. C'est-à-dire que c'est un coup de poing qu'on donne en disant « Attention, si on va dans cette direction, voilà ce qui risque ce que d'arriver. » Et c'est le seul espace possible actuellement. Est-ce qu'il peut arriver de temps en temps, je repense à Wong avec ses problèmes d'immigration, et c'est un sujet encore plus brûlant d'activité. Vous pouvez nous redire un mot de Wong pour les auditeurs, pour savoir le pitch en quelques mots? Rapidement, peut-être que Pierre peut le faire. Simplement, Wong va devoir passer, il y a une immense muraille qui protège l'Occident du reste, et Wong va devoir passer cette muraille, puisqu'il y a une porte qui s'ouvre de temps en temps, et découvrir la condition d'immigrer dans l'Occident, alors qu'il n'en sait quasiment rien. Ce qui est intéressant dans cet ouvrage-là, c'est que c'était évidemment un sujet prégnant au début des années 90, ouais. Mais que ça l'est encore plus à ce moment-là. Est-ce qu'on a l'impression d'avoir fait de la prospective, ou est-ce qu'on a parfois le sentiment d'être un peu découragé parce qu'on a alerté et que la situation empire? Je me suis même posé la question, quoi. Je me suis dit, quelle est ma responsabilité dans cette histoire? Est-ce que finalement, le fait de l'avoir écrit, ça n'a pas aussi quelque... Enfin, la pensée magique? Ouais, je me dis, ça fait un peu peur parfois. Je pense que les auteurs de science-fiction ne sont pas des prophètes, ni des devins, ni même des futurologues. Ce sont des gens qui sont qui ont envie de parler d'un problème précis et qui le projettent dans l'espace, dans le futur ou dans l'espace-temps pour pouvoir mieux le développer, parce que ça crée un effet loop immédiat et donc ça met un angle de vue beaucoup plus important sur le problème. Parfois on tombe de juste, parfois on tombe pas juste. Certains auteurs tombent étonnamment juste. Par exemple, aucun auteur de science-fiction de l'âge d'or n'a vu arriver la micro-informatique, ce qui est simplement énorme. Donc parfois on tombe à côté, mais parfois on tombe juste. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, on va prendre l'exemple de 1984 d'Orwell. C'est quand même un livre global sur la surveillance. La surveillance ne se produit pas de la façon dont l'a décrite Orwell, hein, c'est-à-dire ce n'est pas le Big Brother qui est watching you, qui vous regarde tout, mais on a tous le petit Big Brother dans la poche. Le Big Brother s'est fragmenté et donc constitue aussi une grande chaîne de surveillance qui se met en place avec notre propre accord d'ailleurs. Voilà, donc la surveillance s'est mise en place, pas de la façon dont l'avait prévu Orwell, mais elle s'est quand même mise en place. Là, on est au seuil de la biotechnologie avec Huxley, le meilleur des mondes. Il est évident que le problème va se poser de la biotechnologie et Huxley va redevenir quelqu'un de très important de par la réflexion qu'il a déjà menée. Pour conclure, puisqu'on arrive dans les dernières minutes de cet entretien, Pierre Bordage, quels sont aujourd'hui les thèmes qui vous touchent, qui vous intéressent, ou les derniers auteurs aussi de science-fiction qui les abordent, où vous dites, tiens, maintenant, c'est ça, c'est cette science-fiction-là qu'on est en train d'écrire aujourd'hui, au présent, 2017-2018? Ben, les thèmes qui me touchent beaucoup, enfin qui m'interpellent beaucoup, c'est justement la biotechnologie, l'accélération de l'infiniment petit, la particule. Le fait qu'on puisse maintenant modifier les chaînes génétiques, ça c'est très important. Et je garde une grosse tendresse hein, pour le genre qu'on appelle le space opéra, c'est-à-dire le genre qui se passe dans l'espace avec des vaisseaux, des aliens, des conquêtes, etc. Et là, mon dernier coup de cœur, c'était une américaine qui a publié à la Talente, qui s'appelle Becky Chambers, et qui a fait l'espace d'un an, que j'ai trouvé un space opéra absolument formidable, très très humaniste, paradoxalement, parce qu'il inclut beaucoup d'extraterrestres dans son histoire. Et si vous deviez conseiller à nos auditeurs ou aux gens qui sont venus nous écouter ici au Salon Livre Paris, un livre dans votre bibliographie pléthorique pour commencer, par quoi faut-il commencer quand on veut découvrir Pierre Bordage ? Oula. Eh, c'est compliqué. Moi, je conseille souvent Wang, dont Jérôme parlait tout à l'heure, parce que Wang, c'est une anticipation. Il y a moins besoin de débrancher que lorsqu'on est dans du space opéra où il faut refaire tout son imaginaire, alors que Wang, ça se passe sur Terre dans 200 ans. Et effectivement, comme vous le disiez, ça aborde des sujets qui sont d'actualité, donc je pense que je conseillerais par Wang. Moi, je vous conseille Les Dames Blanches, que j'aime beaucoup et que je viens de terminer, que je n'avais pas lu. Un conseil, Jérôme Vincent? C'est une bonne question. Moi, j'ai un faible pour les griots célestes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Pierre Bordage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Jérôme Vincent. Peut-être un mot sur ActuSF tout au long du week-end au Salon Livre Paris. En stand T33 et Pierre sera en dédicace chez nous, chez La Talente, au Diable Vauvert. Venez nous voir. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, avec Étienne, Antoine Beauchamp, Sarah Higemans, Noémie Daguette, Saint-Vulfran, et Céline Lozen, Mathieu Lefrançois, Elisabeth Miro à la réalisation, Élise Le Martin Guénard et Thierry Lecorneau à la technique. Dans un instant, c'est le magazine de la rédaction sur France Culture. Poutine, forcément, une petite ville russe à l'heure du vote par Marie-Pierre Véro. Et puis, ici même, au stand de France Culture du Salon du Livre Paris, tout à l'heure, le grain à moudre et la dispute en direct. Et puis, pour ce qui nous concerne, eh bien, lundi, nous parlerons des cellules gliales, mardi, des séismes, mercredi, du langage des ordinateurs, jeudi, de l'histoire de l'anatomie et vendredi, fiction. Nous parlerons robots géants à l'occasion de la sortie du nouveau film Pacific Rim. Ce sera lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.